J'ai vu la mort avant l'amour, la peur avant la joie. Chacun son sort, les mêmes savours, on dira que c'est comme ça. Je connais le vice avant la bonté, j'ai vite fait mon choix. La flemme avant la volonté, tout le monde suit sa voie. J'ai vu la rancœur avant les pleurs du pardon. La chaleur des flammes et l'odeur du charbon. Je connais l'inquiétude avant la sérénité. L'abus de confiance et le mensonge avant la vérité. J'ai vu l'intérêt commun devenir privé. Regarde, même l'urgence fait semblant de s'activer. Je connais les sales habitudes qui deviennent automatiques. Un genre de réflexe qu'on calcule plus, ça devient comme un tic. J'ai vu tant de choses dramatiques en fait. On garde trop de trucs en tête. Ma rage me pousse à écrire. J'espère que tu l'as senti dans le texte. Je connais sûrement pas tout. J'utilise le peu d'atouts que la vie m'a laissé. Je ronronne pas comme un matou. J'ai vu, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'emballait. Tôt ou tard, on finira tous emballés. J'ai passé 30 balais. Triste mine, silhouette gringalée. Souvent le moral à plat qui ricoche comme un galet. Je connais pas la fin du film. Mais on tire sur la corde sans même voir que c'est la fin du film. Et putain, le temps défile. Je connais pas la fin du film. Mais on tire sur la corde sans même voir que c'est la fin du fil. Et putain, le temps défile. Encore de beaux teasers d'images. Trop de choses à dire. Vaché sur feuille, je peux pas falsifier les faits. Encore de beaux teasers d'images. Trop de choses à dire. Vaché sur feuille, je peux pas falsifier les faits. Encore de beaux teasers d'images. Trop de choses à dire. Vaché sur feuille, je peux pas falsifier les faits. Encore de beaux teasers d'images. Trop de choses à dire. Vaché sur feuille, je peux pas falsifier les faits. S'il y a des chanceux. Gros, j'ai connu la hesse avant la gaieté. Gros, j'ai connu l'aisance bien avant la chienneté. Mec, j'ai connu le son bien avant la clarté. Gros, j'ai pondu de la merde avant la qualité. Gros, j'ai connu la hesse avant la gaieté. Gros, j'ai connu l'aisance bien avant la chienneté. Mec, j'ai connu le son bien avant la clarté. Putain, mec, quand on y pense, sa vie, c'est pas le far niente. Gros, j'ai connu la hesse avant la gaieté. Gros, j'ai connu l'aisance bien avant la chienneté. Mec, j'ai connu le son bien avant la clarté. Gros, j'ai pondu de la merde avant la qualité. Gros, j'ai connu la hesse avant la gaieté. Gros, j'ai connu l'aisance bien avant la chienneté. Mec, j'ai connu le son bien avant la clarté. Putain, mec, quand on y pense, sa vie, c'est pas le farniente.